J'aime voir, chère indolente, ananana, nananana. Que je me vois, chère indolente, de ton corps si beau, de ton étoffe vacillante, miroiter la peau sur ta chevelure profonde, aux acres parfums. Mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns, comme un navire qui s'éveille au vent du matin. Mon âme rêveuse appareil pour un ciel lointain. Tes yeux, rien ne se révèle de doux ni d'amer, sont deux bijoux froids aux semelles, l'or avec le fer. À te voir marcher en cadence, belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton. Fardeau de ta paresse, ta tête d'enfant se balance avec la mollesse d'un jeune éléphant. Sophia is my US prince. Mais Sophia ne parle pas. Elle ne comprend pas. Je ne comprends pas les Français. Je ne comprends pas les Français. J'aime bien quand les filles, elles disent ça. Je ne comprends pas le français.